Vous écoutez La Croche-Oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, l'aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1 à Québec. Une radio qu'on retrouve sur la toile à ckrl.qc.ca pour celles et ceux qui sont à l'extérieur de la région, tout simplement du rayon d'action de la station. Gaëtan Gosselin au microphone, heureux de vous retrouver ce soir pour une troisième et dernière émission concernant l'aventure que mène depuis plus d'un siècle la table tournante, le disque vinyle et la création sonore qui lui est associée, tributaire. On a vu ça brièvement au cours de la dernière émission. Après un siècle de tâtonnement, la culture hip-hop va donner le coup de pouce sur la table tournante et le disque pour en faire un instrument de création vaste potentiel. Bon, le DJ se métamorphose en créateur, musicien, artiste sonore. De la platine accessoire, on passe à la platine instrument de musique, à la platine instrument de création, avec en prime une expansion vitesse grand V des expressions conceptuelles, allégoriques et parfois rituelles inspirées par le disque et le tourne-disque. Comme le foin d'odeur, les platines enchantent, symbolisent et mobilisent l'imaginaire. Alors, la table tournante et ses aiguilles passent du monde profane au monde sacré, on va voir ça. Un mouvement qui va s'accélérer au cours des dernières années avec la renaissance du vinyle à la suite de la montée en puissance des musiques numériques. Cela dit, avant de poursuivre à propos de tout ça, on écoute un beau travail d'expérimentation d'Arun Mirza. C'est un projet intitulé 50 Locked Grooves qui comprend 50 boucles rythmiques faites avec des disques bricolés. Alors, on va écouter quelques-unes de ces belles boucles. Eh bien, c'était Arun Mirza, projet réalisé avec des disques dont le sillon est fermé. Vous avez compris, un projet intitulé 50 Locked Groove, projet bruitiste. Alors, vous savez, dans ce monde de l'art qu'on dit sonore, l'enseignement le plus frappant que nous ont fourni de nombreux créateurs, créatrices des platines, c'est que l'art peut être sonore ou encore musical sans qu'aucun son ne soit émis ou transmis. Et ça se produit quand le disque et le tourne-disque sont transformés, métamorphosés en matière conceptuelle, iconique ou encore allégorique. Disques et tourne-disques se retrouvent désormais sous forme d'archives, de témoignages, de textes, de photos, de sculptures, de peintures, de collages, d'installations, de performances, bien sûr. J'en passe aussi de ces nombreuses formes. Mais c'est des exemples de ces métamorphoses. Je vous en propose quelques-unes. Donc, le disque sans sillon de Christian Marclay, bien sûr, les disques peints de Jean-Michel Basquiat qu'on a pu voir à Montréal l'année dernière. Par ici, au Québec, ils sont tout de même nombreux à avoir exploré brillamment le disque et le tourne-disque sur le plan conceptuel. Je pense aux artistes Raymond Gervais, à Martin Tétrault, à la commissaire Nicole Gingras, à Diane Landry et à la regrettée Manon Labrecque. Dans cette veine, je vous fais entendre un extrait d'une création de Patrick Bernatchez, un artiste montréalais, une pièce tirée d'une installation intitulée 77K, premier, deuxième et troisième mouvement. Il s'agit de la rencontre inattendue d'un film 16 mm et de 8 tourne-disques qui jouent tous en boucle des passages choisis, des variations Goldberg en boucle très brèves produites par les aiguilles qui sautent, des passages choisis de l'œuvre de Jean-Sébastien Bach. Alors, on écoute ce beau travail de Bernatchez. C'était l'extrait d'une performance intitulée Goldberg Experience, performance live que donnait Patrick Bernacchi en 2015 au Musée des Arts Contemporains à Montréal. J'ai lu ça quelque part, cette courte note qui dit tout. Franchement, et ça dit ceci, avant le hip-hop, le disque tournait toujours dans le même sens. Je referme les guillemets. Je ne vous ferai pas l'histoire de la culture hip-hop, bien sûr, et de la mouvance sociale qui l'accompagne, mais je soulignerai tout de même quatre moments clés qui vont révolutionner l'usage du disque et du tourne-disque. Un, l'invention au milieu des années 60 du tourne-disque à entraînement direct. Petite découverte technique qui va permettre d'élargir le potentiel de mixage et de manipulation, et ça va compter, je vous le dis. Deux, la montée en puissance du disco qui va, d'une part, mettre à l'avant-plan le DJ et stimuler, d'autre part, la contre-culture afro-américaine critique, justement, du disco. Troisième moment clé, l'invention et l'exploitation du breakbeat. On est autour de 1973 et des platines jouées en parallèle par DJ Kool Herc, un Jamaïcain installé à New York, dont je vous ai parlé lors de la dernière émission. Et quatrième moment, enfin, l'invention et le raffinement de nombreuses techniques d'expression sur platine. La découverte du scratch, bien sûr, et du needle drop par Grand Wizard Theodore et des techniques du quick mix, clock theory, split mix, et j'en passe. Tout ça, des inventions de Grand Master Flash. Bon, l'histoire du DJisme prend forme. Bon, depuis son rôle de sélectionneur puis de mixeur de vinyle, le disc jockey devient un artiste au sens fort du terme. Puis, c'est pas banal tout de même, il va incarner un genre de chaman dans la culture hip-hop, manière de dire combien l'exploration artistique hip-hop va élargir considérablement le spectre sonore de la platine d'abord, puis de la musique tout entière pour s'étendre au monde de l'art comme jamais auparavant. Bon, on va désormais parler de platiniste, en anglais de turntablism, parce que le disque et la table tournante sont désormais des instruments de création sonore et de création artistique au sens large. On écoute donc dans cette veine l'artiste sonore Ignaz Schick, compositeur et artiste visuel basé à Berlin, qui se produit comme instrumentiste sur des platines, justement, et son projet intitulé Rotary Perception, rencontre de sonorités produites directement sur le plateau tournant du tourne-disque avec des micro-contacts. Alors, c'est très intéressant comme travail. On en écoute un extrait. même si les avis sont partagés au début sur les nouvelles dénominations de cette forme d'art, ben en tout cas, l'art des platines et des vinyles émerge tout de même et se voit largement reconnu comme forme d'art à la fin des années 70. Et cet art des platines et des disques, il va se manifester tout autant, comme je le disais, sur le plan conceptuel que sur le plan matériel, par une exploration plutôt inventive du vinyle, du tourne-disque, de l'aiguille, des transducers, comme disent les spécialistes, haut-parleurs et toute la technique incluse. Empruntant parfois les compétences que les DJ techno ont perfectionnées, comme le scratch, le break, le beat, le juggling, les artistes sonores vont se concentrer sur le dispositif et le médium lui-même, en altérant, détruisant le vinyle à la manière de Nisak, comme on l'a vu la semaine dernière, ou bien en modifiant l'intégrité du phono. D'autres artistes vont explorer le disque et les platines sur le plan conceptuel par le biais d'artefacts, d'icônes, de sculptures, de performances live et de mise en scène in situ. Je n'épuise pas le sujet, vous pouvez me croire. John Oswald, musicien et créateur sonore canadien, disait d'ailleurs ceci, j'ouvre les guillemets, « Quand un tourne-disque tombe entre les mains d'un artiste et que celui-ci en joue comme s'il s'agissait d'une planche à laver électronique, eh bien, pour produire des sons uniques et non reproductibles, le tourne-disque devient donc un instrument de musique. » Je referme les guillemets, on écoute un bref extrait d'une pièce de Graham Dunning. Toujours un risque d'être un peu réducteur, mais on va s'entendre pour dire ce soir que le platinisme d'aujourd'hui est à la fois musical, sonore, visuel, souvent conceptuel et parfois même littéraire. Chez nous, au Québec, on a quelques pionniers de cette forme de création qui ont un parcours, on peut le dire, là, vraiment remarquable. Et je pense entre autres à Raymond Gervais qui a réalisé de nombreux projets artistiques sur le plan installatif, littéraire et réflexif autour du disque et des tables tournantes. Il a consacré sa vie d'artiste à cet univers de la musique et des sons avec pour projet de stimuler l'imaginaire sonore. J'ai en mémoire, pour dire, une installation toute simple et si riche intitulée « Dans le cylindre ». C'est une œuvre d'art visuel à première vue, mais essentiellement sonore quant à sa genèse, à l'amalgame de ses composantes, à son rendu conceptuel. Alors, un ensemble plus réel, comme on dit, que la somme de ses parties, l'œuvre se compose d'une photographie d'un cyclone surplombant un phonographe à cylindre déposé sur une table, tout simplement. C'est à voir cette œuvre de silence que j'ai compris combien l'art et la pensée sonore pouvaient se passer de son. Une œuvre d'ailleurs qui appartient, je pense, à la collection du Musée national des beaux-arts ici à Québec. Alors, on écoute Raymond Gervais. C'est un bref extrait d'un document vidéo réalisé par le Conseil des arts du Canada. Il recevait à l'époque le prix du gouverneur général. Alors, on écoute Raymond Gervais, captivant. Le milieu des arts visuels, ça a été le grand milieu d'accueil pour des gens comme moi. Si on n'a rien du tout, on peut inventer un monde un univers poétique singulier et rejoindre les gens et que, oui, on peut le faire dans des installations avec, qui prennent tout un espace, dans des performances avec des musiciens, des composantes sonores, beaucoup d'action, ou avec presque rien. J'ai été intéressé par tous les objets de la musique qui sont aussi des objets visuels. J'ai, dans mon travail, utilisé le disque comme matériau de base et le tourne-disque comme outil de performance aussi. De façon générale, la tendance pour moi maintenant, c'est de travailler le son en silence. Et en retirant le son, on voit mieux. Regarder, c'est faire. Écouter, c'est faire. Et mon travail dit ça. Mon travail est un peu une façon de mettre en scène le regard et l'écoute. Pour moi, un artiste, c'est un monde. Après, je ne sais pas, un certain nombre d'années, l'essentiel des éléments de ce monde-là sont déjà là. Et un artiste passe le reste de sa vie à peaufiner, à développer, à pousser plus loin. Et finalement, tous les artistes, on pousse les choses le plus loin qu'on peut, mais essentiellement, on reste enfermé dans ce monde. Puis à la fin, on meurt, puis quelqu'un fait un cercle autour de nous, puis dit, voilà, c'est ce monde-là. Raymond Gervais, c'est ça. C'est terminé. Merci Raymond Gervais. Regretter Raymond Gervais disparu il y a quelques années tout de même. Mais voilà que, hormis les travaux de Raymond Gervais, il y a aussi les œuvres et les performances de l'incontournable platiniste Martin Tétrault, qui développe depuis une quarantaine d'années un projet artistique fabuleux, ou on peut le dire, sur les plans sonores, visuels, intellectuels aussi. Improvisateur, concepteur sonore et artiste visuel, il est réputé pour son travail de recherche et d'improvisation avec des tourne-disques. Je l'ai reçu d'ailleurs à l'émission il y a quelques semaines. Sa production est immense et ses collaborations nombreuses avec des artistes de la musique, de la danse, de la poésie, du théâtre. Bon, j'en passe de ces disciplines. Martin Tétrault a créé en 2004 une œuvre pour son quatuor de tourne-disques, une commande de la chorégraphe Linda Gaudreau. Il réalise un projet de commissariat intitulé Phonographe vinylisé dans le cadre de la Manif d'art, on est en 2007, et puis en 2015, la commissaire Nicole Gingras publie des disques et un couteau, c'est une monographie qui lui est consacrée. On va écouter, pour clore ce chapitre, un extrait d'un entretien que Martin Tétrault m'accordait en mars dernier chez lui à Montréal à propos de son travail. Après, donc, toutes ces années-là, à un moment donné, j'en ai eu comme un peu ras-le-bol d'utiliser les musiques des autres. Et au local où j'étais avec Michel Lefcôté, j'avais un ami qui travaillait dans une commission scolaire, m'a donné à peu près une dizaine de caliphones. Donc, c'est les tourne-disques qu'on avait dans les écoles quand on était gamin, première année, tout ça. Les bleus, donc c'est vraiment fort, c'est fort comme un Jeep. Et là, je me suis mis à jouer avec ces objets-là, mais pas de disque. Et donc, j'enlevais les plateaux, je déposais les bras sur le moteur et tout ça. Et ça faisait une musique qui était complètement nouvelle, donc qui pouvait avoir beaucoup plus abstraite, brutiste. Et ce qui... Un jour, j'ai réalisé, en fait, que toutes les musiques que je me suis mis à faire avec ces objets-là étaient déjà présentes quand j'étais à l'école en première année, parce que l'objet était là. Donc, c'est comme si je redécouvrais un objet de ma jeunesse, mais d'une façon plus active que passive, que de mettre l'aiguille sur le bras. Donc, j'ai développé beaucoup de travail autour de ça, J'ai même trafiqué des tourne-disques pour en mettre deux ensemble, ajouter des bras pour avoir quatre bras de lecture. Et donc, à partir de cette décennie-là, donc 1995, pour un autre 10 ans, j'ai tourné beaucoup en Europe, en Asie, tout ça, avec ce dispositif-là. Pas de disque, donc avec des pédales d'effet, tout ça. Mais c'était un support très, très... Il n'y avait plus de citation. Et d'ailleurs, à cause du caractère des fois plus répétitif, bouclé des sons, je me suis retrouvé dans des festivals de musique électronique. Et quand ils me voyaient arriver, eux, ils pensaient que c'était fait avec des éléments numériques. Mais j'étais complètement, complètement analogique. Mais donc, l'accident, évidemment, était toujours encore présent dans le travail. Et c'est un peu comme ça que ça s'est bousculé. Et le concert charnière de ça, c'est au Festival de musique actuel de Victoriaville, où là, j'ai fait un solo. C'est un peu rigolo parce que ça se passait comme une semaine avant le 50e anniversaire de quoi? De la musique concrète. Et donc, Michel Levasseur faisait toujours des présentations avant les concerts. Et là, je lui dis, donc mon concert n'a pas de vinyle. Et donc, c'est ce qui s'est passé la veille de la découverte du sillon fermé. Donc, c'est comme un concert qui précède. J'aime ça jouer avec le temps puis de l'espace-temps. Donc, c'est quelque chose qui précède la découverte du sillon fermé. C'est la découverte de l'objet. Vous écoutez l'accroche-oreille sur les ondes de CKRL, Gaëtan Gosselin au microphone. Dernière soirée autour du disque, des tables tournantes et de la création sonore qui en résulte, qui en découle. Alors, comme je l'ai mentionné, les expressions artistiques reliées aux tables tournantes, platines et disques sont multiples, sonores certes, mais aussi visuelles, matérielles et immatérielles, silencieuses aussi, parfois. Je me suis risqué à faire une typologie pour s'y retrouver en regroupant certaines pratiques communes qui s'entrecoupent parfois, sachant qu'une pratique artistique puisse être tantôt regardée, tantôt performée. Alors, première catégorie, la plus simple, c'est le disque et le tourne-disque utilisé comme machine à reproduire de la musique ou des sons, un usage qu'on va retrouver tout au long du 20e siècle, autant dans la culture populaire que savante. C'est le disque et le tourne-disque qu'on actionne à la maison. Seconde catégorie de pratiques que je regroupe sous l'intitulé « disque et tourne-disque conceptuel », c'est-à-dire ces dispositifs qui fonctionnent sur un mode s'adressant d'abord à l'imaginaire plutôt qu'à l'oreille, des œuvres souvent silencieuses. Alors, on y retrouve dans cette catégorie certaines installations de Raymond Gervais sur les pochettes de disques, par exemple, ou encore cette sculpture de Dario Robleto, une bobine de fil et une aiguille conçue avec un vinyle effiloché. Eh bien, l'album photo de disque vinyle intitulé « Records » de Ed Rocha, le « Wheel of Steel » de Robin Road, soit une photo d'un disque sur l'asphalte accompagné d'une platine dessinée à la craie. C'est une très belle pièce, d'ailleurs. Il y a aussi les réflexions philosophiques sur le tourne-disque qu'il appelle le « tourne taciturne » de Christophe Migonne. Et enfin, ce grand disque encadré réalisé avec du ruban magnétique de Grégor Hildebrand. Bon, ce sont quelques exemples de créations conceptuelles autour des tables tournantes et des disques. Alors, on écoute cette fois un artiste qui combine les platines, les roseaux et les oiseaux, travail conceptuel et installatif qui nourrit tout autant l'imaginaire que les oreilles. On écoute le Néerlandais Jeroen Diepenmaat. Très beau travail de Joran Zippenmatt que je vous ai fait entendre déjà dans une émission antérieure. Alors toujours avec cette idée des catégories, il y a cette profusion de travaux avec le disque et le tourne-disque imaginé par de grands artistes visuels contemporains. Bon, le peintre néo-dada Rauschenberg, dont je vous ai déjà parlé, le peintre Jasper John et cette œuvre intitulée Scott Fagan Records, une très très belle pièce, des encres appliquées en couches sur un disque de Millard congelé. Et enfin, le fameux dessin DG84 de Keith Haring qui figure le futur DG robotisé. Ensuite, bon, le magnifique Now's the Time de Jean-Michel Basquiat, une œuvre de 1985, une toile acrylique sur plywood qui nous offre un petit disque noir. Les carnets de Ralph Lemon avec des dessins de disques réalisés avec de la peinture à l'eau. Pièce magnifique. Là-dessus, on écoute une création sonore, cette fois du platiniste Martin Tétrault. J'y reviens, un artiste visuel encore actif, faut-il le rappeler, une création réalisée dans le cadre d'un projet initié par le Centre Avatar ici à Québec, projet nommé Repère. On écoute une création intitulée « Chambardement du quotidien », belle pièce de Martin Tétrault. Très belle pièce de Martin Tétrault. Évidemment qu'on peut regrouper beaucoup d'œuvres sous l'intitulé sculpture ou encore installation de disques et de tourne-disques, un peu à l'image de cette œuvre monumentale de l'artiste péruvien William Cordova intitulée Greatest Hits 1983. Alors imaginez une colonne de 3000 disques empilés, accompagnés d'objets hétéroclites, gourdes péruviennes, cassettes VHS, cigares, pièces de monnaie, bougies. Fabuleuse pièce. Un autre exemple, cette sculpture de gyps réalisée par Martin Fippel et Jean Béchamel, intitulée « Follow Theater of Disorder », un tourne-disque moulé en gyps. Et oui, ça, c'est vraiment flyé. Et puis, cette magnifique sculpture de l'artiste afro-jamaïcain Satch Hoyt, intitulé « Célestial Vaisselle », une grande barque suspendue, confectionnée avec des centaines de disques vinyles de couleur rouge translucide. Bon, vous pouvez voir ça sur la toile parce que j'ai puisé beaucoup d'informations dans une exposition présentée en 2011 aux États-Unis. Exposition intitulée « The Records Contemporary Art and Vinyl ». Bon, je vais mettre ça en lien sur le site de la Croche-Oreille et puis vous pourrez voir ça, c'est fabuleux comme affaire. Cela dit, il y a ces installations et sculptures plutôt silencieuses, mais il y a aussi celles qui sont tout à fait sonores et inusitées. Bon, je pense aux œuvres cinétiques et sonores de la regrettée Manon Labrecque, ici au Québec, à cette installation du théâtre Rue d'Ingénierie, intitulée « Le pic-pierre, une machine qui martèle un disque de pierre avec un pic, formant ainsi des petits trous dont les résidus sont ensuite nettoyés par un pinceau avant d'être lus par une tête de scanner. » Bon, ça, c'est bien un théâtre d'ingénierie. Et c'était présenté au FIMAV en 2017 à Victoriaville. Et puis, il y a cette œuvre cinétique de Diane Landry intitulée « Les tables tourmentes », réalisée en 1999, sculpture sonore avec automatisation, tourne-disque, figurines en plastique, papier d'emballage, lampes et contrôleurs dont les sonorités, ma foi, sont pas mal mystérieuses. Bon, le compte y est. On écoute cette fois une création de l'artiste britannique Mariam Rezaei. C'est une compositrice pour tourne-disque. Auteur et interprète, on va écouter une pièce intitulée « Wolf's Tale ». C'est une création qui combine, dit-on, un discours de Margaret Thatcher et celui de la politicienne écossaise ouvertement lesbienne, Mary Black. Alors, on écoute ça. Alors, on observe dans ce monde de la création sonore assistée du disque et des platines un curieux mélange de savoir-faire technique et d'imagination, vous l'avez constaté. Et tout ça va faire émerger un univers de disques et de tourne-disques patentés, conçus dans une perspective de nouvelle lutherie, parfois ludique, comme le fait Nam June Paik en 1962, en tenant dans sa bouche un bras de lecture. Et puis, il y a Laurie Anderson, plus récemment, qui invente, à la fin des années 70, un violon phonographe qu'elle manipulera en spectacle. Un peu à la même époque, Christian Marclay, bon, encore lui, il fait fureur avec sa phono-guitare, tout comme les platines à plusieurs bras de Stine Duffy, qui nous séduisent au premier coup d'œil, sans oublier les phonos assortis d'oiseaux comme bras de lecture de Joren Diepenmaat, le néerlandais, véritable petit bijoux de création sonore et visuelle. Vous le voyez, ou encore l'imaginez avec moi, le disque et le tourne-disque constituent une matière première pour de nombreux artistes qui en transforment la nature, la facture et les finalités. Je vous propose qu'on écoute cette fois une création sonore de l'artiste platiniste Philippe Jeck qui déploie toutes les techniques du platinisme expérimental. Scotcher, coller ou défigurer le vinyle, incorporer le bruit en surface et manipuler la lecture. Son approche, tout en lenteur, consiste à jouer des disques sur un vieux tourne-disque Danset réglé à 16 tours. À cette vitesse, dit-il, même le compositeur de l'album ne reconnaît pas la musique. Alors, on écoute un extrait de cette célèbre série intitulée Vinyl Coda. C'est une œuvre commandée par la radio allemande diffusée en direct il y a quelques années. On écoute ça. Philippe Jeck et son Vinyl Coda. À propos de Jeck, je souligne qu'il a acquis sa renommée internationale avec la création de son œuvre Vinyl Requiem, réalisée en 1993. C'est une œuvre scénique audio et visuelle réalisée avec 180 platines, 12 projecteurs diapo et 2 projecteurs de cinéma. Une œuvre magnifique qu'on peut regarder d'ailleurs sur YouTube. Alors, pour compléter l'émission de ce soir autour de l'aventure que mène depuis plus d'un siècle la table tournante, le disque vinyle et la création sonore, je vous présente un peu dans le désordre des projets de création très singuliers, étonnants, parfois fumants, surtout touchants sur le plan de la passion artistique qui les porte. Je pense d'abord à cette artiste d'origine nigériane, Fatima Tougar, qui a conçu et qui fait jouer des disques en raffia. L'artiste Janek Schaffer, qui développe en 1997 la table tournante Triphonic, à 3 bras de lecture inspirée, dira-t-il, du vinyle Nil Requiem de Philippe Jeck. Il y a aussi l'Autrichienne Claudia Marzendorfer qu'on entendait la semaine dernière et qui performe magnifiquement avec des disques en glace qui fondent lentement lors de leur utilisation. Alors, on écoute cette fois un projet de commissariat mené par Martin Tétrault qui invitait en 2012 des artistes, amis, collaborateurs du monde entier à soumettre un enregistrement d'eux-mêmes, manipulant un tourne-disque portable. Ça s'intitulait « Phonographe vinylisé » et je vous en passe quelques extraits. My Master's Voice. Dick Smith Turntable AE2831. Clinton Green. Melbourne, Australia, February 2012. My Master's Voice, Panasonic 7673, Marina Rosenfeld, New York, USA, January 22nd, 2012. La voix de mon maître, Philippe 504, Eric M., Marseille, France, mars 2012. Alors, parmi tous ces inventeurs d'instruments tournants, l'Allemand Ignaz Schick, qu'on a entendu plus tôt en soirée, a conçu un dispositif nommé Rotating Surfaces, dans lequel différents objets sont joués directement sur le plateau et amplifiés par un petit microphone. Les objets peuvent être des cuillères en plastique, des verres en polystyrène. L'artiste sonore Julien Klaus conçoit quant à lui des Scanographic Soundscapes, c'est des créations sonores ayant comme source des objets en rotation sur des platines vinyle. Les objets sont scannés par des cellules laser dont le signal module un synthétiseur. Et je pense aussi à cette performance ludique autour des discographies, le DJ, qui donnait trop d'informations, de Jacob Rand, Caroline Dubois et Claudia Fancello du collectif PE-MAR. Et j'évoque pour vous cette jeune fille au tourne-disque, un bronze sculpté que l'on peut admirer à Soukoumi, capitale de l'Abkhazie en Russie. Cela dit, je m'en voudrais de ne pas souligner pour terminer les magnifiques disques acryliques toupies lumineuses de l'artiste sonore et DJ Myriam Blow à la source de son projet Soft Revolver, expression ultime de la table tournante virtuelle dont on écoute cette fois un extrait. Et bien voilà ce qui complète l'émission pour ce soir, troisième et dernière phase de ce survol de la création sonore, menée par les artistes et musiciens autour du disque et du tourne-disque, depuis Edison, Berliner et autres inventeurs Grand merci aux artistes de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres ainsi que les plateformes de disques. Comme d'habitude, vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant pour écoute à votre guise. Alors, quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 21h, pour une autre aventure sonore. On termine la soirée sur des sonorités du Canadien Mike Hansen, connu pour ses études de musique concrète, de concrete music, qu'il réalise avec des disques en ciment. Mais ce soir, on va écouter son Bill Evans Project, une expérimentation intitulée Bill Evans. Il utilise un tourne-disque vintage de l'électronique lo-fi pour rendre hommage à ce pianiste légendaire. Alors voilà, c'est dit depuis les studios de CKRL dans Limoilou. Au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.